pendant que la déblatération continue le 24 juin 2011 dans l'émission Nuisance qui prend un peu d'avance puisque l'émission précédente n'est pas là pour sûrement un bingo scolaire ou peut-être une kermesse scolaire ou peut-être un loto scolaire. Un grain de maïs à la clé. Les publications de l'École moderne française vous présentent Lucie, cette année, les origines de l'homme. Je voudrais commencer l'étude de quelque chose avec moi que j'avais appelé comme ça un petit peu en l'air le vieux pouvoir. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui me paraît historien, assez important. Les historiens ou les préhistoriens, à savoir, les paléontologistes, les paléontologues, l'ensemble des mécanismes par lesquels le passé. Ce qui, dans l'espèce humaine, constitue ses traits biologiques fondamentaux, va pouvoir entrer à l'intérieur d'une politique, d'une stratégie politique, d'une stratégie générale de pouvoir, autrement dit, comment la société, les sociétés occidentales modernes, à partir du XVIIIe siècle, ont repris en compte le fait biologique fondamental que l'être humain constitue une espèce humaine. Bon, c'est en gros ça que j'ai appelé comme ça le Jung. Alors d'abord, si vous voulez, un certain nombre de propositions, au sens d'indication de choix, ce ne sont ni des principes, ni des règles, ni des théorèmes. Alors que en Afrique, comme ça, près 2000 restent constamment. Je vous rappelle que l'émission Nuisance est une émission éminemment bruitiste. L'analyse de ces mécanismes de pouvoir que l'on a commencé il y a quelques années, on poursuit maintenant, l'analyse de ces mécanismes de pouvoir n'est en aucune manière. Donc justement, la fête de la musique est cette semaine, le 21, solstice d'été. Merci Jacques Lang. Et nous aurons mention aussi tous les musiciens qui ont participé à cette fête, donc fête monumentalement musicale. Vous ne trouverez pas de musique dans Nuisance. Nuisance est une émission bruitiste, donc à base de bruit. Voilà, je peux donc être enfin cru et la crudité donc, entre qui et qui, entre quel point et quel point, selon quel procédé et avec quels effets. Donc, ça ne pourrait être des hommes qui ont d'abord été Habilis, ensuite Erectus et maintenant Sapiens, et nous sommes ceux-là. Pourquoi l'avez-vous appelé ici ? Non pas de ce qu'est le pouvoir, mais du pouvoir à la condition qu'on admette que le pouvoir, ce n'est pas justement une substance, un fluide, quelque chose qui découlerait de ceci ou de cela, mais simplement, dans la mesure où on admettrait que le pouvoir, c'est un ensemble de mécanismes et de procédures qui ont pour rôle, fonction et terme, même s'ils ne parviennent pas à assurer justement le pouvoir. C'est un ensemble de procédures et c'est comme cela et comme cela seulement qu'on pourrait entendre que l'analyse des mécanismes de pouvoir amorce quelque chose comme une théorie du pouvoir. Deuxième indication de choix, ceci. Ces relations à des prix humains. Et un beau jour de 1974, c'est un jeune Américain qui s'appelait Tom Gray qui a recueilli premier ossement, comme ça, en prospectant. Le travail s'est concentré dans ce secteur-là pour voir s'il y en avait d'autres. Et en fait, les 52 morceaux de ce petit squelette étaient répartis sur un espace très étroit, 30 cm, 40 cm, et très long. Ça voulait dire que les ossements devaient être en connexion anatomique à l'intérieur d'une couche géologique, et puis que la pluie, qui est pourtant rare dans ces régions-là, avait sorti ces ossements et les avait entraînés le long d'un petit ravineau. On s'est donc aperçu rapidement de quoi il s'agissait, et le soir au camp, ça a été évidemment la fête. Comment des eaux peuvent exister encore au bout de 4 millions d'années? Parfois, les cadavres sont enfouis dans des sédiments, dans des boues, dans des vases, dans des argiles, dans des sables, suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas putréfaction. Même si, bien sûr, entre les différents mécanismes. Et à ce moment-là, les parties molles se détruisent quand même, mais les ossements, déjà en partie minéralisés, se fossilisent. C'est-à-dire que coordination latérale, la matière, des subordinations hiérarchiques, des isomorphismes, des identités ou analogies techniques, des effets d'engraissement qui permettent de parcourir d'une façon à la fois de logique cohérente et valable l'ensemble de ces mécanismes vous ne trouvez et de les ressaisir dans ce qu'il faut savoir parce que spécifique à un moment donné, pendant une période donnée, dans un champ donné, c'est ça. Troisièmement, est-ce qu'on peut savoir si c'est lucide ou l'analyse de ces relations au pouvoir oui, peut bien sûr s'ouvrir, amorcer quelque chose comme l'analyse globale d'une société. Sans aucune l'analyse de ces mécanismes de pouvoir peut aussi s'articuler sur l'histoire, par exemple, des transformations économiques. Mais après tout, quelque chose qui a à voir avec la... Nous devons voir une belle reconstitution. C'est-à-dire avec la politique. Car je ne vois pas beaucoup d'autres définitions. Dans la mesure où il s'agit enceinte d'ailleurs, parce que les sculpteurs ne savaient pas trop comment faire le ventre, alors ils ont fait rien. Il y a une autre reconstitution qui a été faite. De montrer quels sont les effets de savoir qui sont produits dans la société par une mutation du monde qui n'est pas le hiérarchisme qui sont produits ou par une tactique de pouvoir. Production métaphorique de la vie, l'usance étant plein dans la vie. La vie. Gloire à nuisance. Et je crois que le discours qui consiste à dire le discours interactif, qui dans l'ordre de la théorie, consiste à dire aimer ceci, détester cela, ceci est bien, cela est mal, soyez pour ceci ou pour cela, tout ça me paraît que c'est pas trop quelque chose que nous disons là. Je voudrais qu'il soit simplement un impératif conditionnel de genre physique. Si vous voulez éviter, voici quelques points clés, voici quelques lignes de force, voici quelques verrous, quelques blocages. Autrement dit, je voudrais que ces impératifs ne soient rien d'autre que des indicateurs. À moi de savoir, bien sûr, les gens qui travaillent en essence. À nous, par conséquent, de savoir sur quel champ de force réel on se propose faire une analyse qui serait efficace en termes tactiques. Mais après tout, c'est là le cercle de la lutte et de la vérité, c'est-à-dire, par exemple, de la pratique philosophique. Enfin, on distingue les points et derniers. Ce rapport, je crois, c'est le plus fondamental entre la lutte et la vérité. Et la dimension humaine, c'est laquelle, les siècles et les siècles se déroulent. La philosophie. Eh bien, ce rapport sérieux et fondamental entre la lutte et la vérité, je crois qu'il ne fait rien d'autre que de se théâtraliser, se décharner, perdre son sens et son efficace dans les polémiques qui sont intérieures au discours théorique. Je ne proposerai donc tout ceci qu'un seul thérapie, mais celui-là sera catégorique et inconditionnel, qui ne fait jamais. Bien, je voudrais maintenant ce cours. Donc là, ça s'appelle sécurité, territoire, population. Première question, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut entendre par sécurité, on peut faire ça, on pourrait considérer à l'enfer de l'activité de ce donc, un exemple plutôt modulé en trois temps. C'est très simple, c'est très enfantin, mais on va commencer par là. Je crois que c'est le championnat qui permet de tout. Soit une loi pénale assez simple, je pense que il ne se fera pas, avec son chacun. Un châtiment, une prison, un bien établissement, et bien la deuxième modulation, la même loi pénale, nous ne voilà pas, nous allons assortir un bon nombre de châtiments à cette loi, l'autre loi, l'ensemble de ce qu'on encadre d'une part, comme une série de surveillance, de contrôle, de regard, de calculatif, qui permet de repérer à moi-même le voleur volé, s'il ne va pas voler. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrémité, le châtiment n'est pas simplement ce moment spectaculaire, définitif de la pendaison, de la mort, de l'établissement, mais ça va être une pratique. L'incarcération avec toujours une phase de dynamique au niveau du travail de transformation sous la forme de ce qu'on appelle des temps pénitentiaires, travail obligatoire, moralisation, corruption, etc. Soit la même loi pénale, soit également des châtiments, soit le même type d'encadrement en forme de surveillance d'un côté et de correction de l'autre. Mais l'application de ces l'aménagement de la prévention, l'organisation du châtiment correctif, tout ça va être commandé par une série de questions qui vont être des questions du genre suivant. Par exemple, quel est le taux moyen de la criminalité de ce genre? Comment statistiquement est-ce qu'on peut prévoir qu'il y aura telle ou telle quantité de vols à un moment donné, dans une société donnée, dans une ville donnée, à la ville, à la campagne, dans une couche sociale? Deuxièmement, y a-t-il des moments, des régions, des systèmes pénaux qui sont tels que selon les vieilles idées de Darwin, évidemment très rénové, ne serait-ce que par les études désormais de biologie moléculaire, la population serait porteur de mutations. Les mutations, elle n'en fait rien et elle va les perdre, mais lorsque le milieu change, certaines de ces mutations se trouvent par hasard être des avantages. Pour la suite du programme, veuillez retourner la cassette. Historique tout à fait déjà mené pour système légal, le fonctionnement pénal archaïque, impliquent celles qui apparaissent comme plus nouvelles. Au fond, dans le système légal, absent. Puisqu'après tout, quand on a causé à un acte, même et surtout s'il était la parole de l'importance de l'important, lorsqu'on a causé un châtiment dit exemplaire, c'est bien précisément que vous voulez obtenir un effet correctif, sinon sur le coupable lui-même, parce qu'on attendait la correction faite pour lui. En revanche, la correction était évidemment adressée au reste de la population. Et dans ce projet-là, on peut dire que la pratique du supplice comme exemple était une technique corrective et disciplinaire. De même que dans le même système, lorsque l'on punissait le vol domestique d'une façon particulièrement sévère, la peine de mort très très peu d'importance pourvu qu'il ait été commis à l'intérieur même d'une maison par quelqu'un qui était reçu ou employé à titre de touristique, eh bien il était évident qu'on visait là un crime qui n'était important que par sa probabilité. Et on peut dire qu'on a aussi il y avait quelque chose comme un mécanisme de sécurité qu'on avait mis en place. Bon, on peut prendre la même chose aussi à propos du système disciplinaire, qui aussi comporte toute une série de dimensions qui sont proprement de l'ordre de la sécurité. Au fond, lorsque l'on entreprend de corriger un condamné, on essaie de le corriger en fonction des risques de rechute, de récidive qu'il présente, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on appellera très tôt sa dangerosité, c'est-à-dire là encore, le mécanisme de sécurité. Donc, les mécanismes de discipline n'apparaissent pas simplement à partir du 18e siècle, ils sont déjà présents à l'intérieur juridico-légal, les mécanismes de sécurité eux aussi sont propres d'anciens comme les mécanismes. Je pourrais dire aussi à l'inverse que si l'on prend le mécanisme de sécurité tel qu'on essaie de le développer à l'époque contemporaine, il est absolument évident que ça ne constitue aucunement une mise entre parenthèses ou une annulation des structures juridico-légales ou des mécanismes disciplinaires. Au contraire, prenez par exemple ce qui se passe actuellement, toujours dans l'ordre pénal, à propos de dans cet ordre de la sécurité. L'ensemble des mesures législatives, des décrets, des règlements, des circulaires, qui permettent d'implanter des mécanismes de sécurité, cet ensemble est devenu plus gigantesque. Après tout, le code légal sur le vol était relativement simple. Thank you. bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bienvenue, le vol est organisé pour vous et par moi. Vous allez pouvoir écouter donc encore une cassette, une bande de plus en même temps que toutes les autres. J'espère que vous appréciez la volonté diurne et nocturne de vous nuire. Sur votre gauche, selon ce que vous avez sur votre gauche et sur votre droite, idem. Il est probable que le redressement du corps a correspondu à une meilleure adaptation de ses premières habiletés à un paysage beaucoup plus découvert où il fallait avoir une locomotion à terre entre deux arbres ou deux bouquets d'arbres. Celui qui sera porteur de ce caractère va vivre plus longtemps, il sera avantagé. Et c'est le milieu qui l'a en quelque sorte sélectionné. C'est ça la sélection naturelle. Il aura des chances d'avoir plus d'enfants. Les enfants auront des chances, selon les lois de l'hérédité, d'être plus volontiers porteurs du même caractère avantageux. Et petit à petit, à partir d'un petit pourcentage de porteurs du caractère, on va en quelques générations. Mission la plus puante de l'antenne de Canal Plus, c'est Nuisance. Nous sommes fiers de vous présenter une émission qui pue. Cette transformation, ce que l'on appelle spéciation, transformation d'espèce, se fait d'autant plus rapidement qu'elle se fait au sein d'une petite population qui se trouve être détachée de la population principale pour des raisons géographiques, tectoniques, comme en Afrique orientale, ou d'autres raisons. Ou plus exactement, le système de corrélation entre les mécanismes juridico-légaux, les mécanismes disciplinaires et les mécanismes de sécurité. Autrement dit, vous allez avoir une histoire qui va être une histoire de technique, proprement dit. Exemple, la technique cellulaire est une technique disciplinaire. La mise en scène. Vous pouvez parfaitement en faire l'histoire, mais elle est vraiment très moche. Vous la trouvez déjà fort employée à l'âge du juridico-légal. Vous la trouvez employée pour les gens qui ont des bêtes, vous la trouvez employée surtout dans l'ordre religieux, etc. Bon. Cette technique séculaire, alors vous en faites l'histoire, c'est-à-dire ses déplacements, son utilisation, vous voyez à partir de quel moment la technique cellulaire est employée, la discipline cellulaire est employée dans le système pénal commun, vous voyez comment les conflits suscitent, comment elle régresse. Bon, vous pouvez faire aussi l'analyse de cette technique alors de sécurité. C'est par exemple la statistique des crimes. La statistique des crimes est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus quelque chose de très ancien. En France, c'est les fameux comptes du ministère de la Justice à partir de 1826 qui permettent la statistique des crimes. Donc vous pouvez dire l'histoire de ces crimes. Mais il y a une autre histoire qui serait l'histoire de technologie, c'est-à-dire l'histoire beaucoup plus globale, mais bien entendu également beaucoup plus floue. Des corrélations et des systèmes dominants qui font que dans une société donnée et pour tel et tel secteur donné, car ce n'est pas forcément toujours du même pas que dans tel ou tel secteur les choses vont évoluer, dans un moment donné, dans une société donnée, dans un pays donné, dans un moment donné, une technologie de sécurité, par exemple, va se mettre en place, reprenant en compte et faisant fonctionner à l'intérieur de sa tactique propre des éléments, je vous dis, des éléments disciplinaires, quelquefois même en les multipliant. On en a actuellement un exemple, si vous voulez, très net, toujours à propos de ce domaine de la pénalité. Il est certain que l'évolution toute contemporaine, non seulement de la problématique, de la manière dont on réfléchit la pénalité, mais également la manière dont on pratique la pénalité, il est clair que pour l'instant, depuis des années, pas une dizaine d'années plus ou moins, la question se pose essentiellement en termes de sécurité. Et font l'économie et le rapport économique entre le coût de la répression et le coût de la délinquance est la question fondamentale. Or, ce qu'on voit, c'est que cette problématique a amené une telle inflation dans les techniques disciplinaires, qui pourtant étaient mises en place depuis très longtemps, que le point où le scandale, ou du moins la friction, est apparu, et où la blessure a été assez sensible pour provoquer des réactions violentes et réelles, ça a été cette multiplication disciplinaire. Autrement dit, c'est le disciplinaire qui, à l'époque même, où les mécanismes de sécurité sont en train de se mettre en place, c'est le disciplinaire qui a provoqué, non pas l'explosion, mais du moins les conflits les plus manifestes et les plus visibles. Donc, ce que je voudrais essayer de montrer dans le cours de cette année, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est en quoi consiste cette technologie, quelques-unes de ces technologies disciplinaires, étant entendu que chacune d'entre elles consiste pour une large part en la réactivation et la transformation des techniques juridico-légales et des techniques disciplinaires dont je vous avais parlé les années précédentes. Autre exemple que je vais simplement esquisser ici, mais pour introduire un autre ordre de problème, ou pour, si vous voulez, généraliser le problème. Bon, là encore, c'est des exemples, je les prends là parce que c'est des exemples dont on a déjà parlé 100 fois et qui sont acquis. Soit, si vous voulez, l'exclusion de l'épreuve au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Bon, c'est une exclusion qui se faisait essentiellement, bien qu'il y ait d'autres aspects aussi, se faisait essentiellement par juridique, de lois, de règlements, sont de prodigieux aussi pour l'habituel, bon, qui amenait en tout cas un partage, et un partage de type binaire entre ceux qui étaient lépreux et ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Deuxième exemple, celui de la peste, là encore, je vous en avais parlé, donc je reviens très très rapidement. Les règlements de peste, tels qu'on les voit formulés à la fin du Moyen-Âge, au XVIe et encore au XVIIe siècle, donnent une toute autre impression, ils agissent tout autrement, ils ont une toute autre fin, surtout de tout autre instrument. Il s'agit dans ces règlements de peste de quadriller littéralement les régions, les villes à l'intérieur desquelles il y a la peste, avec réglementation indiquant aux gens quand ils peuvent sortir, comment, à quelles heures, ce qu'ils doivent faire chez eux, quel type d'alimentation ils doivent avoir, leur interdisant tel et tel type de contact, les obligeant à se présenter à des inspecteurs, à ouvrir une maison aux inspecteurs. C'est-à-dire qu'on a là un système qui est de type disciplinaire. Troisième exemple, celui qu'on est en train d'étudier au séminaire actuellement, c'est-à-dire la variole, où à partir du XVIIIe siècle et des pratiques d'inoculation, le problème se pose tout autrement, non pas tellement d'imposer une discipline, bien que la discipline sera appelée à la rescousse, mais le problème fondamental, ça va être de savoir combien de gens sont attaqués de variole, à quel âge, avec quels effets, quelle mortalité, quelle lésion, quelle séquelle, quel risque on prend à se faire inoculer, quelle est la probabilité selon laquelle un individu risquera de mourir ou d'être atteint de variole malgré l'inoculation, quels sont les effets statistiques sur la population générale. Bref, tout un problème qui n'est plus celui de l'exclusion comme dans la lèpre, qui n'est plus celui de la quarantaine comme dans la peste, qui va être le problème des épidémies et des campagnes médicales par lesquelles on essaie de juguler les phénomènes épidémiques, soit endémiques. Bon, là encore d'ailleurs, il suffit de voir l'ensemble législatif les obligations disciplinaires que les mécanismes de sécurité modernes indiquent, pour voir qu'il n'y a pas une succession loi plus discipline plus sécurité, mais la sécurité est une certaine manière d'ajouter, faire fonctionner en plus des mécanismes proprement de sécurité, des armatures de la loi et de l'exception. Dans l'ordre du droit, dans l'ordre de la médecine, et on pourrait cela que je vous ai cité sitôt, et vous voyez qu'on trouve même une évolution qui est un peu semblable, des transformations un petit peu de même type dans les sociétés une autre, occidentale. Il s'agit de l'émergence de technologies de sécurité à l'intérieur, soit de mécanismes qui sont proprement des mécanismes de contrôle social comme dans le cas de la pénalité, soit des mécanismes qui ont une évolution de modifier quelque chose à une nouveau destin logique de l'émission. Alors, est-ce qu'on peut dire, et c'est là l'enjeu de ce que j'ai analysé un petit peu, peut-on dire que dans nos sociétés, l'économie générale du pouvoir est en train de devenir l'ordre de la sécurité. Est-ce que, je voudrais donc, si vous voulez, faire ici une sorte d'histoire de technologie de sécurité, au sujet de l'économie, si on peut effectivement parler d'une société de sécurité, en tout cas, sous ce mot de société de sécurité, je voudrais simplement repérer, savoir. Il y a effectivement une économie générale du pouvoir qui a la forme, ou qui est dominée en tout cas par la technologie de sécurité. Bon, alors, quelques traits généraux de ces dispositifs de sécurité. Je voudrais en repérer quatre, je ne sais pas combien. Enfin, j'ai toujours commencé en disant, premièrement, je vais étudier un petit peu, comme ça, en surpoids, ce qu'on pourrait appeler les espaces de sécurité. Deuxièmement, étudier le problème du traitement d'aléatoire. Troisièmement, étudier la forme de normalisation qui est spécifique à la sécurité et qui ne paraît pas du même type que la normalisation disciplinaire. Et enfin, arriver à ce qui va être le problème ici de cette année, le problème, la corrélation entre les techniques de sécurité et la population, comme à la fois objet et sujet de ces mécanismes de sécurité. C'est-à-dire l'émergence, non seulement de cette notion, mais de cette réalité de la population, qui est au fond une idée et une réalité absolument moderne par rapport au fonctionnement politique, mais également par rapport au savoir et à la théorie politique antérieure. Bon, alors premièrement, si vous voulez, en gros, les questions d'espace. On pourrait dire, comme ça, au point de vue d'une façon un peu schématique, la souveraineté s'exerce dans les limites d'un territoire, la discipline s'exerce sur le corps des individus, et enfin, la sécurité s'exerce sur l'ensemble d'une population. Limite du territoire, corps des individus, ensemble d'une population. Bon, je ne sais pas ça, et je crois que ça ne colle pas. Ça ne colle pas, d'abord parce que le problème multiplicité est un problème que l'on rencontre déjà à propos de la souveraineté et à propos de la discipline. La souveraineté, si c'est vrai, que la souveraineté s'inscrit et fonctionne essentiellement dans un territoire, et qu'après tout, l'idée d'une souveraineté sur un territoire non peuplé est une idée juridiquement et politiquement non seulement acceptable, mais parfaitement acceptée. Premier, le fait que l'exercice de la souveraineté dans son déroulement effectif, réel, quotidien, inclut un une certaine authenticité, mais qui va être justement traité comme la authenticité, soit le sujet, soit la authenticité d'un mot. La discipline également. Bien sûr, elle s'exerce sur le corps, mais j'ai aussi de montrer comment, en fait, l'individu n'est pas dans la discipline la donnée première sur laquelle il s'exerce. Il n'y a de discipline que dans la mesure où il y a une multiplicité et une fin ou un objectif ou un résultat à obtenir à partir de cette multiplicité. La discipline scolaire, la discipline militaire, la discipline pénale aussi, la discipline dans les ateliers, la discipline ouvrière, tout ça est une certaine manière de gérer la multiplicité, de l'organiser, d'en fixer les points d'implantation, les coordinations, les trajectoires latérales ou horizontales, les trajectoires verticales et pyramidales, la hiérarchie, etc. Et l'individu est beaucoup plus tôt une certaine manière de découper la multiplicité de la discipline que le matériau premier à partir duquel on l'a bâti. La discipline est un mode d'individualisation des multiplicités et non pas quelque chose qui, à partir d'individus travaillés d'abord à titre individuel, construirait ensuite une sorte d'édifice à non multiple. La souveraineté, la discipline, comme bien sûr la sécurité, ne peuvent avoir à faire qu'une édifice. Et d'autre part, les problèmes d'espace sont également communs à tous les trois, en ce sens que pour la souveraineté, ça va de soi, puisque c'est d'abord comme quelque chose qui s'exerce à l'intérieur du territoire, que la souveraineté apparaît, mais la discipline implique une partition spatiale, et je crois que la sécurité également, et c'est de cela justement, de ces traitements différents de l'espace par la souveraineté, la discipline et la sécurité que je voudrais vous parler maintenant. On va prendre là encore une série d'exemples. Je prends bien entendu dans le cas des villes. La ville était essentiellement caractérisée par une spécificité juridique et administrative qui l'isolait. Il a marqué d'une façon très singulière par rapport aux autres prétendus espaces du territoire. Deuxièmement, la ville se caractérisait par un enfermement à l'intérieur d'un espace muré et resserré dans lequel la fonction militaire se loin d'être la seule. Et enfin, il se caractérisait par une hétérogénéité économique et sociale très marquée par rapport à la campagne. Bon, or, ceci a suscité, au 7e, 18e siècle, une masse de problèmes liés au développement des états administratifs, pour lesquels la spécificité juridique de la ville pose un problème difficile à résoudre. Deuxièmement, la croissance du commerce, puis au 18e siècle, de la démographie urbaine, et posait le problème de son refermement et de son enfermement à l'intérieur. Le développement aussi des techniques militaires pour poser des problèmes, et enfin tout le nécessité d'échanges économiques permanents entre la ville et son entourage immédiat pour la subsistance, son entourage lointain pour ses relations commerciales. Tout ceci rendait l'enfermement de la ville, son enclavement pas vous poser un problème. Mais en gros, ce que vous avez dit, c'est bien ce désenclavement spatial, administratif, économique de la ville. En fait, il s'agit de replacer la ville dans un espace de circulation. Bon. Je vous renvoie, si vous voulez, sur ce point, à une étude extraordinairement complète et parfaite, puisqu'elle est faite par un historien, c'est l'étude de Jean-Claude Perrault sur la ville de Caen au XVIIIe siècle, qui montre que le problème de la ville, c'était essentiellement et fondamentalement un problème de circulation. Bon. Soit un texte du milieu du XVIIe siècle, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Lemaître, sous le titre « La métropolité ». Cet Alexandre Lemaître était un protestant qui avait quitté la France avant même la révocation de l'édit de Nantes, et qui était devenu, le mot est important, ingénieur général de l'électeur de Brandebourg. Et il a dédié son livre, « La métropolité », au roi de Suède, le livre ayant été édité à Amsterdam. Le signe protestant, Prusse, Suède, Amsterdam n'est pas un faux nom sans signification dans tout ça. Et le problème de la métropolité, c'est faut-il qu'il y ait une capitale dans un pays et en quoi cette capitale doit-elle consister? Eh bien, l'analyse que fait le maître est ici. Il dit l'État est composé en fait de trois éléments, trois ordres, trois états même, les paysans, les artisans, et ce qu'il appelle le tiers ordre, le tiers état, et qui est curieusement le souverain et les officiers qui sont au service du souverain. Bon, et bien par rapport à ces trois éléments, l'état doit être comme un édifice. Les fondations d'édifices, celles qui sont dans la terre et sous la terre, qu'on ne voit pas mais qui assurent la solidité de l'ensemble, eh bien ces fondations, c'est bien sûr les paysans. Les parties communes, les parties de service de l'édifice, c'est bien entendu les artisans. Quant aux parties nobles, aux parties d'habitation et de réception, c'est les officiers hein, et les souverains. Donc, à partir de cette métaphore, vous voyez, architecturale, le territoire doit lui aussi comprendre ses fondations, ses parties communes et ses parties nobles. Fondation, ça va être les campagnes. Et dans les campagnes, pas besoin de dire que doivent habiter tous les paysans et rien que les paysans. Deuxièmement, dans les petites villes, doivent habiter tous les artisans et rien que les artisans. Et enfin, dans la capitale, par nomme de l'édifice de l'État, dans la capitale, doivent habiter le souverain, ses officiers et ceux des artisans et commerçants qui sont indispensables au fonctionnement même de la cour et de l'entourage du souverain. Le rapport entre cette capitale et le reste du territoire, le maître le perçoit de différentes façons. Ça doit être un rapport géométrique, en ce sens qu'un bon pays, c'est un pays en somme qui a la forme du cercle, et c'est bien au centre du cercle que la capitale doit se trouver. Une capitale qui serait au bout d'un territoire allongé, biscornu, n'aurait pas, par rapport à ce territoire, ne pourrait pas exercer toutes les fonctions qui doivent exercer. En effet, c'est là où le second rapport apparaît, il faut que ce rapport de la capitale au territoire soit un rapport esthétique et symbolique. La capitale doit être l'ornement même du territoire. Mais ça doit être aussi un rapport politique, dans ceci que les ordonnances et les lois doivent avoir dans un territoire une sorte d'implantation que aucun petit coin de royaume n'échappe à ce réseau général des lois et ordonnances du souverain. La capitale doit aussi avoir un rôle moral, et c'est pourquoi, pour les mêmes raisons, diffuser jusqu'au bout du territoire tout ce qui et nécessaire d'imposer aux gens quant à leur conduite et à leur manière de faire. La capitale doit donner l'exemple des bonnes mœurs. La capitale doit être l'endroit où les orateurs sacrés sont les meilleurs, sont le mieux entendre. Ça doit être également le siège des académies, puisque les sciences et la vérité doivent naître là pour se diffuser dans le reste du pays. Et enfin, rôle économique, la capitale doit être le lieu du luxe pour qu'elle constitue un lieu d'appel pour les marchandises qui viennent de l'étranger, et en même temps, elle doit être le point de redistribution par le commerce d'un certain nombre de produits fabriqués, manufacturés, etc. Bon, laissons l'aspect proprement utopique de ce projet. Je crois qu'il est tout de même intéressant parce qu'il me semble qu'on voit là une définition de la ville, une réflexion sur la ville, essentiellement en termes de souveraineté. C'est-à-dire que c'est le rapport de la souveraineté au territoire qui est essentiellement premier et qui sert de schéma, de grille, pour arriver à comprendre ce que doit être une ville, ce que doit être une ville capitale et comment est-ce qu'elle peut et doit fonctionner. Il est intéressant de voir comment, d'ailleurs, à travers cette grille de la souveraineté comme problème fondamental, on voit apparaître un certain nombre de fonctions, proprement belles, fonctions économiques, fonctions morales et administratives, etc. Et ce qui est intéressant enfin, c'est que le rêve de le maître, c'est de brancher l'efficacité politique de la souveraineté sur une distribution spatiale. Un bon souverain, c'est quelqu'un, que ce soit un souverain collectif ou individuel, un bon souverain, c'est quelqu'un qui est bien placé à l'intérieur d'un territoire. Et un territoire qui est bien policé au niveau de son obéissance au souverain est un territoire qui a une bonne disposition spatiale. Eh bien, tout ceci, cette idée d'une efficacité politique de la souveraineté est liée à l'idée ici d'une intensité des circulations, circulation des idées, circulation des volontés et des ordres, circulation commerciale aussi. Il faut, au fond, c'est là l'idée à la fois ancienne puisqu'il s'agit de la souveraineté et moderne puisqu'il s'agit de la circulation, il s'agit au fond pour le maître de superposer l'état de souveraineté, l'état territorial et l'état commercial. Il s'agit de les boucler et de les renforcer les uns par rapport aux autres. Inutile de vous dire qu'on est là, en cette période et en cette région de l'Europe, en plein mercantilisme, ou plutôt en plein capitalisme. C'est-à-dire, bien en effet, le problème de comment, à l'intérieur d'un système de souveraineté strict, assurer un développement économique maximal par le biais du commerce. En somme, ce dont parle le maître, problème de le maître, c'est celui-ci, comment assurer un État bien capitalisé, c'est-à-dire bien organisé autour d'une capitale, siège de la souveraineté et point central de circulation politique et commerciale. On pourrait, puisque après tout, le maître a été ingénieur général de l'électeur de Bourbon, on pourrait voir la filiation qu'il y a entre cette idée d'un État, une province bien capitalisée, la filiation qu'il y a entre ceci et puis le fameux État commercial fermé de Fichte, c'est-à-dire toute l'évolution qu'il y a du mercantilisme caméralisme, caméralisme à l'économie nationale allemande du début du XVIIIe siècle. En tout cas, la ville capitale est dans ce texte pensée pour fonction des rapports de souveraineté qui s'exercent sur un territoire. Bon, je prends maintenant un autre exemple. J'aurais pu le prendre également dans les mêmes régions du monde, c'est-à-dire cette Europe du Nord qui a été si importante dans les... Bon, elle a toujours été, mais dans la pensée et dans la théorie politique du XVIIe siècle, toute cette région qui va de la Hollande à la Suède, autour de la mer du Nord et de la Baltique, etc. Plus grand des exemples, Christiana, Göteborg, en Suède, j'aurai des exemples, en France, c'est donc là toute cette série des villes artificielles qui ont été construites, dont certaines en nord de l'Europe et certainement aussi en France à l'époque de Louis XIII et Louis XIV. Je prends l'exemple d'une toute petite ville qui s'appelle le Richelieu, qui est construite, vous savez, aux confins de la Touraine du Poitou, et qui a été construite à partir précisément de rien. Là où il n'y avait rien, on construit tout. Et on l'a construit comment ? Eh bien là, vous le savez, on utilise cette fameuse forme du camp romain qui, à l'époque, venait d'être réutilisé à l'intérieur de l'institution armée, de l'institution des armées, institution militaire, comme instrument fondamental de la discipline. Au fin 16e, début du 16e siècle, précisément dans les pays protestants, d'où l'importance de tout ça dans l'Europe du Nord, enfin, peu importe, on remet en vigueur la forme du camp romain, en même temps que les exercices, la subdivision des troupes, les contrôles collectifs et individuels, dans la grande entreprise de disciplinarisation de l'armée. Or, qu'il s'agisse de Christiana, qu'il s'agisse de Göteborg, qu'il s'agisse de Richelieu, c'est bien cette forme du camp qu'on utilise. Forme du camp est intéressante. En effet, dans le cas précédent, la métropolité de l'Europe, l'aménagement de la ville était essentiellement pensé dans la catégorie plus générale, plus globale du territoire. C'était à travers ce macrocosme qu'on essayait de penser la ville avec un espèce de répondant de l'autre côté, puisque l'État lui-même était pensé comme un édifice. Enfin, c'était tout ce jeu du macrocosme et du microcosme qui traversait la problématique du rapport entre la ville, la souveraineté et le territoire. Là, dans le cas de ces villes construites sous la figure du camp, on peut dire que la ville est même pensée d'abord, non pas à partir du plus grand qu'elle, le territoire, mais à partir du plus petit qu'elle, à partir d'une figure géométrique qui est une sorte de module architectural, à savoir le carré ou le rectangle, subdivisé eux-mêmes par des croix en d'autres carrés ou d'autres rectangles. Il faut tout de suite souligner que, dans le cas de Richelieu au moins, comme dans les camps bien aménagés et dans les bonnes architectures, cette figure, ce module qui est utilisé, ne met pas simplement en œuvre le principe de la symétrie. Bien sûr, il y a un axe de symétrie, mais qui est encadré et qui devient fonctionnel grâce à des symétries, des dissymétries bien calculées. Dans une ville comme Richelieu, par exemple, vous avez une rue médiane, et puis, qui divise bien effectivement en deux rectangles, le rectangle même de la ville, et puis d'autres rues, dont certaines sont parallèles à cette rue médiane, dont d'autres sont perpendiculaires, mais qui sont à des distances différentes, les unes sont plus rapprochées, les autres sont plus éloignées, de telle manière que la ville est bien subdivisée en rectangles, mais en rectangles dont les uns sont grands, les autres petits, avec une gradation du plus grand au plus petit. Et les plus grands rectangles, c'est-à-dire le plus grand espacement des rues, se trouvent à une extrémité de la ville, et le plus petit, les plus petits rectangles, le quadrillage le plus serré, est au contraire à l'autre extrémité de la ville. Du côté des plus grands rectangles, là où les croisillons sont larges, les mailles sont, les rues sont larges, eh bien, c'est là que les gens doivent habiter. Au contraire, là où le croisillon est beaucoup plus serré, eh bien, c'est là où il doit y avoir les commerces, les artisans, les boutiques, c'est là aussi où il doit y avoir des places où se tiendront les marchés. Et ce quartier du commerce, on voit bien comment le problème de la circulation, plus il y a de commerce, plus il doit y avoir de circulation, plus il y a de commerce, plus il doit y avoir de surface sur la rue et de possibilité de sillonner la rue, bon, etc. Ce quartier du commerce est flanqué d'un côté par l'église, de l'autre par les halles. Et du côté des habitations, quartier d'habitation, là où les rectangles sont plus larges, bien il y aura deux catégories de maisons. Les maisons qui vont être qui vont donner sur la Grand Rue ou sur les rues parallèles à la Grand Rue, qui vont être des maisons d'un certain nombre d'étages, deux, je crois, des mansardes, et au contraire, dans les rues perpendiculaires, des plus petites maisons avec un seul étage, différence de statut social, différence de fortune, etc. Bon, je crois qu'on a là, dans ce schéma simple, lui aussi, on retrouve exactement le traitement disciplinaire des multiplicités dans l'espace, c'est-à-dire constitution d'un espace vide et fermé, à l'intérieur duquel on va construire des multiplicités artificielles qui sont organisées selon le triple principe de la hiérarchisation, la communication exacte des relations de pouvoir et des effets fonctionnels spécifiques avec cette distribution, par exemple, assurer le commerce, assurer l'habitation, etc. Dans le cas de le maître et de sa métropolité, il s'agissait en somme de capitaliser, entre guillemets, un territoire. Là, il va s'agir d'architecturer un espace, la discipline et de l'ordre du bâti. Bâtiment au sens large. Bon, et bien maintenant, troisième exemple, ce serait les aménagements réels des villes qui existaient effectivement au XVIIIe siècle. Et là, alors, on en a toute une série d'exemples. Je vais prendre, si vous voulez, l'exemple de Nantes, qui a été étudié en 1932, je crois, par quelqu'un qui s'appelle Pierre de Lièvre, qui a donné les différents plans de construction, d'aménagement de Nantes, ville importante puisqu'elle est en plein développement commercial d'une part et que d'autre part ses relations avec l'Angleterre ont fait que le modèle anglais a été utilisé. Et le problème de Nantes, c'est bien entendu le problème défaire les entassements, faire place aux nouvelles fonctions économiques et administratives, régler le problème avec des rapports avec la campagne environnante, et enfin prévoir la croissance. Bon, je passe sur le projet bien charmant pourtant d'un architecte qui s'appelle Rousseau et qui avait l'idée de reconstruire Nantes autour d'une sorte de boulevard promenade qui aurait la forme d'un cœur. Oui, on dirait. Ça a tout de même une importance, si vous voulez, on voit bien que le problème, c'était la circulation. C'est-à-dire que pour que la ville soit un argent parfait de circulation, il fallait que ça ait la forme d'un cœur qui assure la circulation du sang, etc. À la fois, ça fait rire, mais après tout, l'architecture de la fin du XVIIIe siècle, et le doux, etc., fonctionnera encore très souvent sur des principes comme ça. La bonne forme devant être le support de l'exercice exact de la fonction. Bon, les projets qui ont été réalisés n'ont pas été Nantes en premier lieu, ça a été des projets, un projet en particulier présenté par quelqu'un qui s'appelait Vigné de Vigny, et dans lequel il s'agissait non pas du tout de tout construire, ni d'imposer une forme symbolique susceptible d'assurer la fonction, mais il s'agissait d'un certain nombre de choses précises et concrètes. Premièrement, percer des axes qui traversent la ville et des rues assez larges pour assurer quatre fonctions. Premièrement, l'hygiène, l'aération, dégager toutes ces espèces de poches où s'accumulaient les miasmes morbides dans les quartiers trop resserrés où les habitations étaient trop entassées, donc fonction d'hygiène. Deuxièmement, assurer le commerce intérieur de la ville. Troisièmement, articuler ce réseau de rues sur les routes extérieures de manière à ce que les marchandises de l'extérieur puissent arriver ou être expédiées, mais ceci sans abandonner les nécessités du contrôle douanier. Et enfin, ce qui était un des problèmes importants dans les villes au XVIIIe siècle, permettre la surveillance dès lors que la suppression des murailles rendues nécessaires par le développement économique faisait que l'on ne pouvait plus fermer les villes le soir ou surveiller exactement les allées et venues pendant la journée, Et par conséquent, l'insécurité des villes était accrue par l'afflux de toutes les populations flottantes, mendiants, vagabonds, délinquants, criminels, voleurs, assassins, etc., qui pouvaient venir, comme chacun sait, de la campagne. Autrement dit, il s'agissait d'organiser la circulation, d'éliminer ce qui en était dangereux, de faire le partage entre la bonne et la mauvaise circulation, maximaliser la bonne circulation en diminuant. Il s'agissait donc également d'aménager les accès à l'extérieur, essentiellement pour ce qui est de la consommation de la ville et de son commerce avec le monde extérieur. On a organisé un axe de circulation avec Paris, on a aménagé l'herbe par où venaient les bois de Bretagne avec lesquels on se chauffait. Et enfin, il s'est agi, dans ce plan de réaménagement de Limoux, de répondre à une question fondamentale et qui est paradoxalement assez nouvelle, c'est-à-dire comment intégrer à un plan actuel les possibilités de développement de la ville. Et ça a été tout le problème du commerce, des quais et ce qu'on n'appelait pas encore des docks. La ville se perçoit elle-même comme étant en développement. Un certain nombre de choses, d'événements, d'éléments vont arriver ou se produire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à l'avance à ce qu'on ne connaît pas exactement? Alors l'idée, c'est tout simplement d'utiliser les bords de la Loire et de construire des quais le plus long, le plus grand possible, le long de la Loire. Mais plus on allonge la ville, plus on va perdre le bénéfice de cette espèce de quadrillage clair, cohérent, etc. Est-ce qu'on va bien pouvoir administrer une ville dans laquelle l'étendue est si grande? Est-ce que la circulation va bien se faire dès lors qu'on va étendre la ville indéfiniment dans le sens de la longueur? Alors le projet de Limoux, c'était de construire des quais le long d'un bord de la Loire, de laisser se développer un quartier, puis de construire, en s'appuyant sur des îles, des ponts sur la Loire, et à partir de ce pont, de laisser se développer, de faire se développer un quartier en face du premier, de sorte que cet équilibre des deux bords de la Loire aurait évité l'allongement indéfini d'un des côtés de l'autre. Enfin, peu importe, si vous voulez, le détail lui-même de l'aménagement. Je crois qu'il est présent, qu'il est assez important, en tout cas qu'il est significatif pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il ne s'agit plus du tout de construire à l'intérieur d'un espace vide ou vidé, comme dans le cas de ces villes, disons, disciplinaires, comme Richelieu, comme Christiana, etc. La discipline travaille dans un espace vide, artificiel, que l'on va construire entièrement. La sécurité, elle, va prendre appui sur un certain nombre de données matérielles. Ça va être, elle va travailler avec, bien sûr, l'emplacement, elle va travailler avec le circuit des eaux, l'écoulement des eaux, avec les îles, avec l'air, etc. Donc, elle travaille sur une donnée. Ce donnée, il ne s'agit pas pour elle dans le reconstruire de telle manière qu'on atteindrait un point de perfection comme dans une ville disciplinaire. Il s'agit simplement de maximaliser les éléments positifs, que l'on circule le mieux possible et de minimiser au contraire ce qui est risque et inconvénient comme le vol, comme les maladies, etc., tout en sachant parfaitement qu'on ne les supprimera jamais. On travaille donc non seulement sur des données naturelles, mais on travaille aussi sur des quantités qui sont relativement compressibles, mais qui ne le sont jamais totalement. Ça ne peut jamais être annulé. On va donc travailler, si vous voulez, sur des probabilités. Troisièmement, ce qu'on va essayer d'organiser dans ces aménagements des villes, c'est des éléments qui se justifient par leur polyfonctionnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne rue? C'est une bonne rue dans laquelle il va y avoir, bien sûr, une circulation de ce qu'on appelle les miasmes, donc les maladies, et il va falloir gérer la rue en fonction de ce rôle nécessaire, bien que peut-être souhaitable, de la rue. La rue, ça va être aussi ce à travers quoi on porte les marchandises. Ça va être également ce le long de quoi on va y avoir des boutiques. La rue, ça va être aussi ce à travers quoi vont pouvoir passer les voleurs, éventuellement les émeutiers, etc. C'est donc toutes ces différentes fonctions de la ville, les unes positives, les autres négatives, mais c'est celle-là qu'il va falloir mettre en place dans l'aménagement. Enfin, le quatrième point important, c'est qu'on va travailler sur l'avenir, c'est-à-dire que la ville ne va pas être conçue ni aménagée en fonction d'une perception statique qui assurerait dans l'instant la perfection de la fonction, mais elle va s'ouvrir sur un avenir non exactement contrôlé ni contrôlable, non exactement mesuré ni mesurable, et le bon aménagement de la ville, ça va être précisément ça, tenir compte de ce qui peut se passer. Bref, je crois qu'on peut parler là d'une technique qui s'ordonne essentiellement au problème de la sécurité, c'est-à-dire, au fond, au problème de la série. Série indéfinie des éléments qui se déplacent, la circulation. Nombre X de chariots, nombre X de passants, nombre X de voleurs, nombre X de miasmes, etc. Série indéfinie des éléments qui se déplacent, série indéfinie des événements qui se produisent, tant de bateaux vont accoster, tant de chariots vont arriver, etc. Série indéfinie également des unités qui s'accumulent, combien d'habitants, combien de maisons, etc. Et c'est la gestion de ces séries ouvertes, et par conséquent qui ne peuvent être contrôlées que par une estimation de probabilité, c'est cela, je crois, qui caractérise assez essentiellement le mécanisme de sécurité. Disons pour résumer tout ça, que alors que la souveraineté capitalise un territoire, posant le problème majeur du siège du gouvernement, alors que la discipline architecture un espace et se pose comme problème essentiel une distribution hiérarchique et fonctionnelle des éléments, eh bien la sécurité va essayer d'aménager un milieu en fonction d'événements, des séries d'événements ou d'éléments possibles, séries qu'il va falloir régulariser dans un cadre multivalent et transformable. L'espace propre à la sécurité renvoie donc à une série d'événements possibles, renvoie au temporel et à l'aléatoire, un temporel ou un aléatoire qu'il va falloir inscrire dans un espace donné, l'espace dans lequel se produisent des éléments, dans lequel se déroulent des séries d'éléments aléatoires, eh bien c'est, je crois, à peu près cela que l'on appelle le milieu. Le milieu, c'est une notion, bien sûr, qui en biologie n'apparaît, vous ne savez que trop, qu'avec la marque. C'est une notion qui, en revanche, existe déjà en physique, qui est utilisée par Newton et les Newtoniens. Le milieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui est nécessaire et suffisant, non pas suffisant, mais ce qui est nécessaire pour rendre compte de l'action à distance d'un corps sur un autre. C'est donc bien, si vous voulez, le support et l'élément de circulation d'une action. C'est donc le problème de circulation et causalité qui est en question de cette notion de milieu. Bien, je crois que les architectes, les urbanistes, les premiers urbanistes du siècle sont précisément ceux qui n'ont pas utilisé la notion de milieu car les temps de pouvoir n'ont jamais utilisé les espaces aménagés. En revanche, si la notion n'existe pas, je dirais que le schéma technique de cette notion de milieu dur, l'espèce de, comment dire, de structure pragmatique qui le dessine à l'avance est présente dans la manière dont les urbanistes essaient de réfléchir et de modifier l'espace urbain. Les dispositifs de sécurité travaillent, fabriquent, organisent, aménagent un milieu avant même que la notion ait été formée ou isolée. Le milieu, ça va être donc ce en quoi se fait la circulation. Le milieu, c'est un ensemble de données naturelles, fleuves, marécages, collines. C'est un ensemble de données artificielles, agglomération d'individus, agglomération de maisons, etc. Le milieu, c'est un certain nombre d'effets, qui sont des effets de masse portant sur tous ceux qui résident. Le milieu, c'est un élément à l'intérieur duquel se fait un bouclage circulaire des effets et causes, puisque ce qui est effet d'un côté va devenir cause de l'autre. Par exemple, plus d'entassement est grand, plus il va y avoir de menaces. Plus il va y avoir de menaces, plus on va être malade. Plus on est malade, bien sûr, plus on meurt, plus il y a de cadavres, et par conséquent, plus il y a de menaces, etc. Donc, c'est donc une circulation de causes et d'effets visée à l'intérieur. Et enfin, le milieu apparaît comme un champ d'intervention où, au lieu d'atteindre les individus comme un ensemble de sujets droits, capables d'action volontaire, au lieu de les atteindre comme une multiplicité d'organismes de corps susceptibles de performance ou de performance requise pour la discipline, on va essayer d'atteindre, eh bien quoi, d'atteindre précisément une population, je veux dire, une multiplicité d'individus qui sont, mais qui n'existent que profondément, essentiellement, biologiquement liés à la matérialité à l'intérieur duquel ils existent. Ce qu'on va essayer d'atteindre avec cette, par ce milieu, c'est là où précisément interfère une série d'événements que ces individus, ces populations, ces produisent avec les événements de type naturel qui se produisent, quasi naturel, qui se produisent plutôt. Il me semble aussi qu'avec ce problème technique posé par la ville, on voit, et ce n'est qu'un exemple, on voit l'irruption de du problème de la naturalité de l'espèce humaine à l'intérieur d'un milieu artificiel. Et cette irruption de la naturalité de l'espèce à l'intérieur de l'artificialité politique, une relation de pouvoir, c'est quelque chose, me semble-t-il, de fondamental, et je renverrai pour terminer simplement à un texte de celui qui a sans doute été, bien sûr, le premier grand théoricien de ce qu'on pourrait appeler la biopolitique, le bon pouvoir. Il en parle d'ailleurs, c'est autre chose qui est la natalité, bien sûr, des grands enjeux, mais on va très bien apparaître là cette notion d'un milieu historico-naturel comme signe d'une intervention du pouvoir, tout à fait différent de la notion. Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM, c'est toujours l'émission Nuisance et c'est toujours l'enfer. Un milieu artificiel naturel où l'artifice joue comme nature par rapport à une population qui. L'enfer qui rime avec donc. Merde. Nous y sommes. Nous apportons une lumière au bout du tunnel, elle est inaccessible. De l'habitation de la Terre et des vicissitudes dans l'ordre physique que les cantons, les plus simples, sont devenus magnifiques. Et il se réfère à un vers de Virgile où il est question du vin. Las reacciones de la gente respecto a su corta edad. Bueno, aquí, bueno, ha habido reacciones de todo tipo. Ha habido reacciones diciendo que este mocoso que hace aquí. es un curso que hace mandando. También ha habido reacciones muy favorables de gente mayor, gente que pide ideas nuevas, gente nueva y sangre nueva. Hay de todo y bueno, por lo que a mí me toca, era de respetar, respetar y que la gente tenga en cuenta. 25 años no siempre son sinónimo de inexperiencia, y en mi caso tengo más experiencia política que la gente que... Y con esto quiero decir que me preocupa que tenemos a 10 kilómetros de aquí, la gran capital, que se nos puede chupar en el momento que nos descuidemos. Ha pasado en otros pueblos, la gran capital se los ha chupado. Y ha desaparecido la esencia esta de pueblo, de relación diaria, cotidiana, con gente que conoces por la calle. Y yo no quiero que mi pueblo se transforme en un barrio dormitorio de la gran capital. Y esa es mi preocupación de las más importantes. En cambio, un pueblo de las dimensiones de la Chile, con un poco más de 10.000 habitantes, un pueblo de este tamaño puede ser un pueblo democrático, una célula viva, algo realmente participativo. Es algo que una ciudad de 10.000 habitantes, por ejemplo, es el que puede tener, y ya no hablemos. L'espèce humaine, dans la mesure où elle a un corps et une âme, dans la mesure où elle a une existence physique ou morale, et le souverain, ça sera celui qui aura à exercer son pouvoir en ce point d'articulation où la nature, au sens des éléments physiques, vient interférer avec la nature, au sens de la nature de l'espèce humaine, en ce point d'articulation, là où le milieu devient déterminant de la nature, c'est là que le souverain va intervenir, et s'il veut changer l'espèce humaine, c'est bien qu'il faut en agissant sur le milieu. A Francisco, familiarmente, se le llama Paco. El entrevistado ocupa el puesto de... El entrevistado ocupa el puesto de alcalde. La localidad de alcalde en puesto llama... el Porto Coche. La localidad que dirige se llama Silla. La medicache que la mat... El número de habitantes de Silla es Silla. De... Este... El número de habitantes de Silla es de 16.000. El número de habitantes de Silla es de 100.000. El joven alcalde emplea algunos términos o expresiones de los que vamos a revisar el significado. Terminal. Ha habido reacciones diciendo que este mocoso que hace aquí. Este mocoso que hace mandando. La palabra mocoso es sinónimo de 1. Alcalde. 2. Niño. Dos niños. Mocoso es sinónimo de niño. Mocoso es sinónimo de niño. Que me preocupa que tenemos a 10 kilómetros de aquí, la gran capital, que se nos puede chupar en el momento que nos descuidemos. Chupar significa aquí 1. Absorber. 2. Empapar. Chupar significa absorber. Chupa chups. Que se nos puede chupar en el momento que nos descuidemos. Descuidarse quiere decir 1. Extenderse. 2. No prestar atención. Descuidarse quiere decir no prestar atención. ¿Cómo ha reaccionado la gente con un alcalde tan joven? ¿Cuáles son los planes de Francisco Baixauli para su pueblo? Vamos a ver si usted ha comprendido bien estas cuestiones. Diga si las afirmaciones siguientes son verdaderas de fraternité à l'égard donc de tel animal, de telle plante, qui sont considérés comme les enfants de la même figure ancestrale. Mais cette figure n'est pas seulement ancestrale. Elle est présente aujourd'hui dans l'espace-temps du rêve. Et donc, quand les gens rêvent, ils peuvent éventuellement rentrer en contact avec telle ou telle figure et recevoir de cette figure des révélations sur ce qui s'est passé, soi-disant, au moment de la formation du paysage, mais qui, en fait, est en train de se passer dans cet espace-temps du rêve. Et alors, ces révélations prennent une forme très caractéristique, c'est que ça se présente soit par des chants, soit par des peintures, soit par des danses, c'est-à-dire bon, les trois éléments qui composent le rituel. Alors, les peintures en particulier, ce sont soit des peintures que l'on fait sur le corps, soit des peintures que l'on fait sur le sable. La cultura no tiene relación con el tamaño de la ciudad. ¿Verdadero o falso? Y ahora un poquito de gramática. Vamos a practicar el subjuntivo. Complete las frases siguientes, como en el modelo. El pueblo se va a transformar en un barrio dormitorio. Yo no quiero que mi pueblo se transforme en un barrio dormitorio. La gente va a participar. Yo quiero que la gente participe. El pueblo va a perder sus raíces. Yo no quiero que el pueblo pierda sus raíces. La gente se va a organizar. Yo quiero que la gente se organice. El pueblo va a ser un pueblo moderno. Donc moi je suis obligé de vivre, de travailler à Darwin, mais je reviens de temps en temps. Généralement on va à la chasse, sur les activités traditionnelles. On chasse les iguanes, les lézards, les canards, les poissons, il y a beaucoup de poissons dans les rivières. Moi je reviens le plus souvent possible, j'aimerais bien revenir avec leurs enfants pour leur apprendre la culture, leur transmettre la culture. J'essaie de créer une industrie d'agriculture et de susciter le tourisme. Comme ça les gens peuvent revenir vivre ici plutôt que de vivre de la sécurité sociale en ville. Comme ça ils pourraient travailler ici. Quand ils sont à Darwin, en fait ils sont tout le temps dans les pubs, ils boivent sans arrêt. Il y a beaucoup de gens qui veulent revenir mais c'est impossible parce qu'il n'y a pas de moyen de subsistance ici. Il y a beaucoup de terre. Complètement sauvage. D'ailleurs, je dirais même que les trois quarts du territoire du Nord, trois quarts de terre sont complètement sauvages. Billy, do you have the feeling that in your reservation there are still enough people having the knowledge of plants, animals, and traditional ways, végétation, de vivre? En fait, ce qu'on craint, c'est que si on va en ville, on a peur que les gens prennent notre culture. Les enfants vont dans des écoles européennes et toute notre culture disparaît. Et nous, notre culture, on va la retrouver simplement dans les livres d'histoire. Mais c'est tout. Quand on vient de Darwin, il y a beaucoup de barrières à ouvrir. Il y avait une notice dessus, il y avait marqué « Terre aborigène, défense absolue de rentrer ». En ouvrant cette barrière, on rentrait dans la réserve corroborée où on est actuellement. Ils disent que derrière la réserve aborigène, il y a un milliardaire qui a énormément de propriétés dans les environs. Un blanc australien. Il n'y a aucune communication avec lui. À l'époque, il n'y avait pas les hélicoptères, ils embauchaient les aborigènes parce qu'ils faisaient tout le travail à cheval. Et bon, maintenant qu'il y a des moyens qui sont modernes, ils n'ont pas de temps. On est revenu vers cette grande plaine, vous nous ramenez vers l'intérieur des terres, et là on vient vraiment d'avoir juste, à l'instant même, vraiment un grand coup au cœur. Il y a devant nous une quinzaine de chevaux sauvages qui sont en train de galoper sur cette immense plaine où il y a d'ailleurs des termitières un peu partout. C'est fabuleux. Ils viennent d'où ces chevaux? Ce sont des chevaux qui ont été amenés par l'homme à l'époque de l'exploration du territoire. C'est le même phénomène pour les ânes. Et c'est le même phénomène pour les buffles, des buffles d'eau. Mais alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tous ces animaux ont été obligés de s'adapter à leurs nouvelles conditions. Et bien souvent, ils ont beaucoup plus de résistance, ils sont beaucoup, beaucoup plus forts. Et ce sont des animaux qui ont des apparences différentes, beaucoup plus fins, beaucoup plus musclés, beaucoup plus résistants à cette nature qui est quand même très difficile à vivre. La nature ici, elle est incontrôlable. On s'en rend compte d'ailleurs par les immensités. Alors incontrôlable, pas de prédateurs, la reproduction se fait très facilement. Mais ces chevaux sont amusés avec nous, ils sont habitués à voir des aborigènes. Et les aborigènes, en général, les chassent pas pour les manger. C'est horrible ce que fait des fois le gouvernement, il les tue pour en faire de la viande à animaux. Mais les aborigènes, ils les attrapent, ils essayent à les maîtriser, à les dompter, et ils font des rodéos avec. When the summer sun is shining on Australia's happy land, round countless fires and strange ties in many solemn bands of glum Australians watching the launch go up in flames. By the smoke and the smell you can plainly tell that it's barley time again. When the stakes are burning fiercely, when the smoke is une journée dans le bush qui se termine, comme dans la chanson qu'on vient d'entendre, par un barbecue, car Laurie, qui ne sort jamais sans son fusil, est allée tuer une vache. Et comme le soir précédent, c'est autour du feu que chacun, à tour de rôle, a commencé à raconter son histoire. Et le premier à parler, c'était Wanga, qui a évoqué ses souvenirs de garçon vaché chez les Blancs. They came up right up to 1948. Jusqu'en 1948, on nous donnait du tabac, du thé, du sucre, de la farine, comme ça, pour une semaine. If the station gave us sway, au ranch, on nous donnait un sac de couchage, corn soup, penknife, un petit canif, after genre de choses. Each mustering, à chaque fois qu'on avait fini le rassemblement des bêtes, il fallait qu'on rende tout ça au patron. On partait pieds nus. On n'avait plus de sac de couchage. Il ne restait qu'une chemise et un pantalon. Mais t'as de la chance, que nous, on devait tout acheter. Oui, mais vous pouviez garder. Vous partez avec nous, on nous les retirait. Et tout, on nous retirait tout. Puis vous gagnez de l'argent, pas nous. When À la fin de 1948, on a commencé à recevoir de l'argent. On avait $1 par semaine. Alors que le contremaître, lui, il avait 5 livres par semaine. Avec nous, il y avait aussi deux anciens, ils s'appellent Tommy et Betty. Ils étaient restés toute la journée, tranquillement assis sous un arbre. Tommy et Betty ne savent pas leur âge, ils ont les cheveux tout blancs, ils ne parlent pas du tout l'anglais. Et Betty nous a raconté qu'elle aussi a travaillé chez les Blancs comme servante, et son salaire se résumait à peu près à la même chose, de la nourriture, du sucre, du tabac. Tommy, en ce qui le concerne, a été pendant un certain temps coupeur de bois pour le chemin de fer, puis il est devenu chasseur de crocodiles pour vendre les peaux. Et contrairement à Wanga, Tommy se trouvait chez lui, et lui a pu nous chanter les chansons de sa terre. Vous travaillez avec les Blancs depuis longtemps. Comment les avez-vous considérés au début et avez-vous changé d'opinion depuis? Je me souviens quand j'étais petit, ils ont pris tous les aborigènes, ils les ont rassemblés comme du bétail, ils les ont emmenés quelque part et ils voulaient s'occuper de nous. C'est comme ça qu'ils ont procédé. En vieillissant, j'ai commencé à m'apercevoir des différences entre eux et nous. Ils nous ont demandé de renoncer à notre religion et d'adopter la leur. Donc, quand on a été suffisamment vieux pour comprendre, on leur a demandé de partir. On leur a dit non, vous êtes en train de casser notre culture, partez. Ensuite, je suis devenu politicien, homme politique, je suis démocrate. Il y a 3 ans, j'étais candidat pour être député démocrate. Plus tard, je serai candidat pour le Sénat. Je ne sais pas. Mais je crois que cette activité politique me permet de faire comprendre les préoccupations de mon peuple et de l'aider. À l'heure actuelle, nous sommes des étrangers chez nous. Non, moi je veux rien changer. Ça ne me concerne pas. Moi, si je change ma vie, ça me regarde. Si quelqu'un d'autre veut changer sa propre vie, ça le regarde. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que j'appartiens à cette terre. C'est ma terre. Nous étions là il y a 40 000 ans, vous comprenez? Notre mère était là il y a 3 millions et demi d'années. Donc on est né ici, on a toujours vécu ici. Inga, que pensez-vous de la célébration du bicentenaire? Car c'est bien la célébration du jour où on vous a pris votre pays. Oh, c'était il y a seulement 200 ans, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, nos ancêtres sont là depuis toujours. De Darwin. Nous sommes jeudi et nous descendons vers le sud. Nous étions ici dans la forêt tropicale, dans le bush humide. Et là, on descend toujours dans les territoires du nord, on descend plein sud. On va le faire en avion parce qu'il y a 1500 km à couvrir entre Darwin et Alice Springs. Oui, c'est ça, on a 1500 km et on a encore ce soir 450 km à parcourir en 4x4 pour aller jusqu'à Yarros. Alors ça, c'est une chose qu'il faut dire à tous les gens qui ont un jour l'intention d'aller en Australie. Prenez votre temps. Hein. Nous, on a vu plein de choses, on va en voir plein, mais au fond, ce qu'on aimerait, c'est peut-être s'asseoir sous un eucalyptus et écouter les kookaburras tranquillement, chanter ou pouvoir parler tranquillement avec quelques-uns de ces anciens aborigènes dont certains ne parlent que leur langue et qui parlent dans la lenteur, qui sont des gens avec qui il faut parler plusieurs heures avant d'avoir un vrai échange. Mais là, effectivement, l'Australie, c'est un pays où le temps en réalité n'existe pas. Pour la simple raison, c'est la dimension du pays. Et cette dimension, bon, mais pour la ressentir, mais je crois qu'il faut habiter en Australie. On quitte la mer maintenant, cette mer qu'on n'a pas vue parce qu'elle est tout à fait inabordable en ce moment à cause des méduses, venimeuses, mais mortelles. Alors c'est la mer, c'est la mer d'Arafura, qui est juste au nord de Darwin. À l'est, c'est la mer des Timor, qui fait tout l'est de Darwin. Et effectivement, maintenant, des tropiques, on va passer au désert. Un désert qui est somptueux. Je l'appelle personnellement le désert rose, parce qu'il a une couleur qui est plus que magique, une couleur qui va très bien dans le dreamtime des aborigènes qui sont du centre d'Australie. Bon là il est 1h30, je crois qu'il a fait un peu de retard, mais on est possible d'y aller. Ouais, ça y est, on va aborder maintenant. Alors on y va. How does it happen? You're coaching the crew or printing the news? Alice Springs, la capitale du centre, Alice qui a poussé à l'intersection des routes et des voies de chemin de fer qui traversent l'Australie, exactement sur le tropique du Capricorne. Il n'y a rien de tropical à Alice, tout autour c'est à perte de vue le sable rouge et les buissons et tous les 100 ou 200 km une cattle station. Alice, 20 000 habitants, possède une institution célèbre qui est un peu le symbole de l'Australie sauvage, l'Australie de l'Outback. Cette institution, c'est celle des Flying Doctors, les médecins volants qui assurent les soins pour une population d'aborigènes et d'éleveurs de quelques milliers de personnes dispersées sur un territoire immense. Les patients des médecins volants se trouvent parfois à 1500 ou 2000 km d'Alice Springs. It's another tortoise and hare showdown to prove who's the fastest in the bush. En moins de deux heures, les médecins peuvent se trouver dans se rendre dans les régions les plus éloignées d'Alice Springs. Quand il a été créé ce service des médecins volants? En 1927, il a commencé dans une petite ville qui s'appelle Cloncurry. Et c'était un projet pilote à l'origine. Et puis, au moment de l'invention de la radio à pédale, ça s'est installé comme un service officiel et ça c'était en 1928. Ils ont commencé avec un seul avion et l'aide de Hudson Fish, qui est par la suite est devenue Sir Hudson Fish. Alors ce service ne se contente pas de faire des urgences, il a aussi un service de visite régulière toutes les quinzaines ou tous les mois. Et des ranchs, donc on peut appeler par radio-téléphone pour à la fois de la médecine générale, et ces services sont en association avec les services de santé des territoires du Nord. We bed down to rest, and in black rolling clouds came a storm from the west. The cattle grew restless as lightning flashed down. I somehow sensed danger as night closed around. Histoire très édifiante du médecin volant arrivé juste à temps à bord de son avion pour sauver le garçon vaché, victime d'une mauvaise chute de cheval. My pal lay beneath him, I thought he was done. One look and I knew the flying doctor must come. Oh, Dans le territoire du Nord, si on veut faire fortune, il n'y a pas que l'élevage et le tourisme comme ressource. Il y a aussi l'or, des mines d'or réparties un peu partout. Il y a d'ailleurs eu une petite ruée vers l'or à la fin du siècle dernier. C'est un chercheur d'or que nous avons rencontré dans un pub d'Alice Springs, un grand type blond, il s'appelle Livo. Il a la poitrine barrée par un gros tatouage « Born to die », né pour mourir. Livo travaille pour une grosse compagnie de prospection qui a racheté d'anciennes concessions du premier Gold Rush qui étaient souvent exploitées par des Chinois. Ensemble, une soirée, ils ont eu un permis d'exploitation minière avec une grosse compagnie. Et Livo était en charge de l'ensemble du creusage. Et ils ont fait un trou à la surface, à peu près de 450 mètres de profondeur, avec une route circulaire qui descendait à fur et à mesure. Et par moment, ils rencontraient des tunnels qui débouchaient sur leur carrière. Et c'est des anciens tunnels faits par les Chinois il y a à peu près une centaine d'années. Et ils ont même trouvé des cadavres, ils ont même trouvé des balles, ils ont même trouvé des ustensiles. Ils pensent qu'il y a eu sûrement des bagarres, que des gens se sont battus justement pour de l'or. Et la nugget la plus importante qui a été trouvée dans cette région, c'est 75 onces. Et 75 onces, ça fait à peu près 140 grammes. Ce qui veut dire que c'était une mine qui était très très vivante. Et ils se sont arrêtés, les Chinois, à peu près à 120 mètres d'un très très gros filon d'or que sa compagnie est en train actuellement d'exploiter grâce à tous ses moyens modernes, etc. Les premiers chevaux ont été importés en 1840, tout d'abord des Canaries, puis de Tasmanie. En 1860, il y a une autre série de chameaux qui est arrivée pour l'expédition Birkenwillis. En 1866, on a commencé à les importer en grande quantité, notamment pour l'exploration. C'est ce qu'a fait Thomas Elder. Le chameau était le meilleur moyen de transport? Les déserts australiens font qu'il faut parcourir des distances énormes pendant 3 à 4 semaines pour arriver à un point d'eau. Donc s'il fallait traverser le pays, on ne pouvait pas utiliser les chevaux. Il n'y avait pas de chemin de fer ni rien. Donc le chameau était véritablement le meilleur moyen de transport. La dernière patrouille de police à dos de chameau remonte aux années 50, 1950. Et en 1947, la police les utilisait toujours en Australie du Sud, dans les zones désertiques. La plupart des chameaux ont été supplantés par le chemin de fer, car on ne pouvait plus les utiliser pour charger. À Alice Springs, le chemin de fer a été mis en place en 1929. Donc à partir de 1929, le chameau n'était plus utile pour transporter des chargements. Beaucoup de chameaux en plein centre de l'Australie. En fait, d'ailleurs, ce sont des dromadaires. Le patron de cet élevage de 100 dromadaires où nous nous trouvons près d'Alice Springs s'appelle Noel Fullerton. Il est écossais d'origine. Il a une longue barbe grise et une queue de cheval. Il organise des randonnées dans le désert, mais c'est aussi un des meilleurs spécialistes en matière de dromadaires. Il a même été invité par les Émirats arabes comme consultant. Dans ce district ici, nous avons environ 16 000 chameaux sauvages. donc il y en a un bon nombre. Mais dans l'Australie, bon, c'est tout à fait discutable, c'est assez vague, mais on peut dire qu'il y a entre 50 et 200 000 chameaux sauvages. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir éleveur de chameaux? Eh bien, j'ai un fils qui a épousé une afghane, et nous avons de vieux amis afghans, Sally et Gul Mohamed. Ce sont des descendants des premiers immigrés afghans. Ils habitaient à Alice Springs. En fait, les premiers Afghans sont arrivés en 1860 pour l'expédition Bertrand Willis. Puis ils ont été de plus en plus nombreux à venir s'installer. Puis, de fil en aiguille, le chameau a été supplanté par le chemin de fer et la plupart des Afghans sont rentrés chez eux. Les chameaux sauvages d'Australie sont parmi les plus vigoureux du monde. En Australie, le chameau est le seul animal à importer qui ne fasse pas de dégâts sur l'environnement. En fait, ils ont des sabots tendres, ils sont végétariens. Évidemment, il leur faut pas mal d'espace. Mais ici, vous savez, il y a des milliers de kilomètres carrés, alors il n'y a pas de problème. La nuit, en général, c'est très dangereux de rouler parce qu'il y a énormément de vaches qui sont échappés des grands enclos et qui ont une tendance à se rapprocher des pistes. Et on pense que ce sont les bruits qui les ramènent. Donc, en général, tous les véhicules de location, il y a une régulation, c'est qu'il est interdit de rouler la nuit parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents. Comme les routes sont très droites et que, bon, là, ce soir, on a de la chance parce qu'on est en pleine lune. En plus de ça, on a de très bons phares, ce qui fait qu'on a une très bonne visibilité. Bon, malgré ça, attention, il y a une vache juste à droite, là. Les gros trains qu'on appelle ces gros camions avec 4-5 remorques, bon, ce sont des véhicules qui sont très très imposants, qui ont des espèces de chasse-vaches. Ce sont des boulebars qui sont, en général, ils font 1m60, 1m80, jusqu'à 2m de haut, et qui, eux, ne s'arrêtent pas, carrément. D'ailleurs, toutes les vaches qu'on a pu voir sur le côté de la route sont des vaches qui ont été carrément repoussées par ces gros camions qui roulent entre 90 et 120 km à l'heure la nuit. Mais effectivement, il faut être très très prudent. Bon, si ce sont des petits kangourous, etc., bon, ça pose pas trop de problèmes, parce que ce sont des animaux qui ne sont pas très lourds. Mais vous prenez une vache à 120 à l'heure, une vache qui fait 300-400 kg, vous pouvez avoir non seulement des dégâts sérieux, mais vous pouvez vous blesser. Donc la nuit, il faut être très très prudent et surtout avoir ce qu'on a actuellement sur ce véhicule, c'est des très très bons phares, et conduire doucement de la droite vers la gauche de façon à pouvoir repérer les vaches qui sont en bordure de la route parce que leurs réactions sont encore une fois imprévisibles. Tout à l'heure dans les phares, on a aperçu également un dingo. Il vit en solitaire, le dingo, ou en troupe? En général, il vit en solitaire. De chien jaune. C'est un chien jaune, oui. C'est des bêtes qui peuvent faire jusqu'à 70 kg à peu près. Et la mère, elle vit tout le temps avec les petits dingos. Et le père, lui, en général, il va chasser. Mais en général, ce sont des animaux qui sont très solitaires. C'est un peu un fléau pour l'Australie, puisque je crois qu'à un certain point, on a fait une barrière qui est très très longue, une barrière anti-dingo, afin qu'ils ne descendent pas vers le sud. Il y a une barrière anti-dingo qui part d'ouest en est, ce qui veut dire au départ à peu près du Western Australia jusqu'au Queensland, une barrière qui fait à peu près 10 000 km. Cela, c'est pour empêcher les dingos du nord. Le nord est le territoire des dingos, pour les empêcher de descendre dans le sud, là où il y a beaucoup d'élevage de moutons. Parce que les dingos, effectivement, attaquent les petits animaux, comme les moutons, les petits kangourous. Nous sommes donc en présence d'une erreur masterisée par le master lui-même, ou elle-même. Voilà un range 200 km d'Ayers Rock par piste. Tout le confort, ce groupe électrogène. C'est vraiment le bar de bouche. Il y a des casquettes, des chameaux australiens suspendus partout. C'est marrant, c'est vraiment le bistrot du bout du monde un peu. C'est exactement ce qu'on a vu dans Crocodile Dundee. Crocodile Dundee. Coudé au bar, sont les autres habitants de l'hôtel ce soir, une troupe de militaires. On va s'approcher d'eux. On vient de Townsville. On est venu chercher... Et notre unité à... dans la course du Bissan. La côte. Et en fait, tout ça, ça va nous prendre 3 mois. Chameau est à vous. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes à présent en présence de l'auditoire, donc bienvenue. Il est 10h25 sur l'horloge de Canal Sud, 40 rue Alfred Dumeril, 31-400 Toulouse, France, ou Canal Sud.net, 92.2 FM, c'est nous, à Toulouse. Ouais, ça va, et toi? Je vous rappelle que le numéro, c'est le 05 61 53 36. Vas-tu arrêter? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Suivre à présent un épisode de la vie quotidienne et économique au Moyen-Âge. Il est évident que je ne comprends absolument rien au sujet et que nous n'allons pas plus comprendre que vous le sujet. d'apprécier la belle musique. Entrecoupé de l'art et doux, monolithique, sens, cri, tur, sur un pain. Les publications de l'école moderne française de vous présente l'ouvrier. La vie quotidienne et économique au Moyen-Âge. XVe siècle pour savoir d'où il venait. C'était surtout... Est-ce qu'il y avait des gens pauvres ? Oui, là, il n'y avait que... Les croisades. Les gens donc ont fait des croisades au Moyen-Âge. On en tirait donc la conclusion suivante, qu'ils faisaient également peut-être autre chose. Centaines de mendiants qui s'en allaient de ville en ville. Alors ils étaient à la charge du public, les gens leur donnaient quand même un petit peu à manger par-ci par-là. Toute cette population flottante était certainement très misérable et très malheureuse. Le Moyen Âge avait l'air d'être appréciable par rapport à aujourd'hui, quoique aujourd'hui ça n'a pas bien changé. Quoique, si ça a beaucoup changé, surtout pour nous, les sales blancs. Les domestiques, enfin les servantes, les nourrices qui vivaient avec eux, qui faisaient en quelque sorte partie de la famille. Une famille heureuse et bienveillante. Au milieu de la ville, des murailles. Et la prison, pour être sûr qu'on ne s'échappe pas de cette famille bien heureuse et bienveillante. L'établissement religieux était très nombreux à Troyes. Quand on interrogeait les gens en disant « Que fait-on à Troyes ?», on répondait « On... » Chut. Traitons les sujets tabous comme le sexe. Pourquoi faisait-il des dessins sur les murs d'ailleurs ? C'était pour le sexe. Les maisons étaient en dorsif. Pour se sexer dessus. Les poutres de toit. Également pour se sexer. De la maison. Chaque sexe faisait un mètre de long. Ils l'employaient beaucoup pour faire un plaisir durable à eux-mêmes, pour pouvoir tenir dans leur vie misérable et malheureuse. Très rarement. Il y avait des vitres dans les églises ou dans les maisons. Mais elles étaient souvent cassées. Dans les maisons particulières. Sur les fenêtres. Simplement pour avoir de la lumière. Ça coûtait moins cher, évidemment, que du verre. La question étant bien évidemment de quelle couleur était le verre. C'est bientôt la fin de l'émission Nuisance, j'espère que j'ai bien nui ce soir. J'ai particulièrement apprécié le début d'émission, particulièrement nuisant. Le milieu fut nuisant, la fin fut absolument nuisante. Que dire de plus, à part que je vous laisse avec la musique, la belle musique. Formation éclectique, si l'on est une. Canal Sudienne. Il est 22h50. 8 et quelques secondes, 17, et je vais vous faire apprécier un peu de nuisance encore jusqu'à 11h. Oh, et puis non.